Chapitre 8e. Celui qui a dit « Le cadavre d'un ennemi fait toujours plaisir à voir » a fait entendre un cri de haine et de vengeance inassouvie. Certainement, il n'avait jamais tué, ce qui n'arrive pas tous les jours, pas même vu mourir, ce qui est beaucoup moins rare. La vue d'un cadavre est toujours attristante, ne fût-ce que par un retour égoïste sur soi-même, en pensant au peu de distance qui sépare la vie de la mort, on éprouve un serrement de cœur et un sentiment de pitié. Que doit-ce être pour l'auteur de la mort? La réaction fut très vive chez Mélanie Ripper. Ce sera désormais son seul nom. Pour préparer et accomplir ce tragique événement, elle avait tendu ses nerfs outre mesure. Elle avait soutenu facticement son exaltation. Rien au monde ne l'eût fait reculer une minute auparavant. Quand elle vit l'ancien amant de sa mère étendu sur le sol, inanimé, sa fièvre s'apaisa et elle comprit l'immensité de sa faute. Elle eut peur, peur d'elle-même et peur des autres. Elle s'était instinctivement reculée, tandis que les deux témoins et le docteur se portaient au secours de Julien de Mulsey. Sexius Bonenfant et Arnold Barthes se disposaient à soulever le corps de leur ami, tombé en avant les bras écartés. Le médecin les repoussa pour pouvoir ausculter, examiner, étudier dans les meilleures conditions. Il releva la tête. La balle avait tracé un sillon assez profond, mais à peine sanglant. Le crâne était fortement entamé près de la tempe. Si le cerveau avait été atteint, tous les secours de l'art seraient inutiles. Si au contraire la balle n'avait qu'effleuré l'enveloppe, l'espérance était permise. Une constatation sur ce point était pour le moment impossible. Le docteur eut une significative contraction des lèvres. Les témoins ne perdaient pas un de ses mouvements. Ils le virent abandonner la tête de leur ami et la reposer doucement sur le sol. Après quoi il se pencha sur la terre et appliqua son oreille contre le corps. Il resta dans cette position une demi-minute, qui parut aussi longue qu'une heure de désœuvrement absolu. Enfin, il se releva, l'œil brillant. « Le cœur bat. Il n'est pas mort. » Sextius Bonenfant et Arnold Barthes étaient à genoux, attendant, anxieux, la sentence de vie ou de mort. Ils respirèrent à plein poumon et s'emparèrent des deux mains du docteur comme pour le remercier d'un service personnel. La grande force des médecins et leur sauvegarde contre les quolibets dont les poursuivent les gens bien portants, c'est que les malades et leurs proches les considèrent comme les délégués de la Providence. Ils le savent et laissent dire, certains, qu'on sera trop heureux de venir à eux au moindre malaise. Si quelques-uns d'entre eux abusent parfois de leur prestige, n'est-ce pas de bonne guerre? En cette circonstance, d'ailleurs, le docteur qui assistait Julien de Mulsey était entièrement sincère. Julien était son ami bien plus que son client. Il rendit l'étreinte cordiale des témoins et dit « Il est jeune et vigoureux, je ne désespère pas. » Sextus était radieux. L'anxiété avait chassé pour un instant sa pensée du combat. Mais en se relevant, il vit Mélanie qui s'était rapprochée et qui, affreusement pâle, fixait ses yeux ardents sur le corps inanimé de Julien. Sextus se méprit sur le caractère de son attitude. Il crut qu'il était pâle de dépit. « Ah ! » s'écria-t-il, le poing fermé et menaçant. « À vous, vous êtes la digne fille de Madame Ripper, assassin !» Mélanie, amollie par la sensibilité, n'éprouva pas même un grondement de révolte en entendant la violente et brutale apostrophe de Sextius Bonenfant. Elle releva ses beaux yeux gonflés par les larmes près de jaillir et lui adressa mentalement une supplication de miséricorde. Le vieil ami de Julien était positivement hors de lui. Il continuait de menacer du poing la jeune femme à qui cette rage impuissante fit comprendre toute l'horreur de sa situation. Ses larmes, trop longtemps refoulées, elle ne put les retenir davantage. Elle éclata en sanglots, entrecoupés de hoquets nerveux. Perdant la tête et joignant les mains, elle pria. Fou de douleur et de rage, Bonenfant se porte en avant la main levée. Sans l'intervention d'Arnold Barthes et du docteur, certainement il se serait porté à quelque extrémité. « C'est une femme, » dit le docteur, le retenant fortement par le bras. « Une femme, une femme. La tigresse aussi est une femelle, et on l'empêche de dévorer. » Il se contint toutefois. Mélanie n'avait rien entendu. Si profonde fut la réaction produite dans son esprit et dans son cœur, qu'elle eût maintenant subi sans rien dire les plus sanglants outrages. La prière lui apporta un réel soulagement. Elle se releva plus calme, les yeux secs, et d'une voix qui se raffermit par degrés, « Messieurs, je ne chercherai pas à me soustraire à la responsabilité de mes actes. Oui, j'ai voulu me venger. Mais, je le sens là, au battement de mon cœur, il n'est pas vrai que la vengeance soit le suprême bonheur. S'il reste un espoir de sauver M. Julien de Mulsey, je vous demande en grâce de le confier à ma garde. J'ai tout près d'ici, sur le versant du coteau de Saint-Cloud, une villa. » Elle ne put articuler un mot de plus. Les larmes la suffoquèrent de nouveau. Comme si elle avait peur d'avoir commis un sacrilège, elle recula toute honteuse et alla, défaillante, s'appuyer contre un arbre. Aux dernières paroles de Mélanie, le docteur avait vivement dressé la tête. N'avoir pas à ramener le malade à Paris, éviter les chaos d'une voiture et les secousses du chemin de fer, c'était un immense avantage. « Messieurs, dit-il, je suis d'avis d'accepter cette proposition. Il faut avant tout éviter un ébranlement du cerveau. » La victime, chez l'assassin, ricana bon enfant. « Nous serons toujours à temps de l'enlever, si le repentir que la virago témoigne n'est pas sincère ou faibli. Nous avons pour le moins un grand mois d'immobilité absolue. » Et quoi, un mois, 30 jours? Le médecin connaissait trop l'entêté provençale pour engager une discussion avec lui. Le patient lui appartenait. Prenant l'autorité, il dicta désormais des ordres. « Allez, messieurs, allez à la chaumière, et faites préparer un brancard avec un matelas et des coussins. Je veillerai ici auprès de Julien. » Sextus obéit et se dirigea du côté de l'établissement du restaurateur Cabassu sans trop se retourner. Le docteur s'approcha de Mélanie et son ton de politesse, qui contrastait considérablement avec la violence de langage de Sextus, fut très sensible à la jeune femme. « Nous acceptons, dit-il, l'hospitalité que vous voulez bien nous offrir, madame. Je vous en remercie pour ma part de tout cœur. » Mélanie, délivrée de l'obsession qui pesait sur elle, s'écria dans un élan de reconnaissance. « Me remercier, monsieur. Ah, disposez de moi. Tant que je n'aurai pas réparé le malheur que j'ai causé, je ne serai digne ni de ménagement ni de pitié. Mais vous le sauverez, n'est-ce pas, docteur ? » ajouta-t-elle en regardant Julien toujours immobile. Le docteur revint auprès du malade. Il constata de nouveau que le cœur battait et que les parties du corps exposées à l'air étaient à très peu près naturelles. Mélanie aurait pu l'entendre murmurer « S'il n'y a pas d'éraflure, il est sauvé. » Quand il se releva, « Eh bien » demanda-t-elle. « Rien n'est désespéré, voilà tout ce que je puis dire. » Sextus, bon enfant, revenait en courant. Sa physionomie s'était transformée. Du plus loin qu'il put se faire entendre, « Cabassu m'offre un appartement » cria-t-il. Mélanie comprit la portée de cette exclamation. « Je vous en supplie, docteur, » dit-elle en se rapprochant du médecin qui lui avait témoigné un peu de sympathie. « Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. » Pour toute réponse, il lui prit la main sans être vu de bon enfant, et quand celui-ci fut arrivé, « Mon cher ami, comment avez-vous pu penser à un hôtel-restaurant pour un malade ? Vous avez donc oublié le tapage qui se fait à la chaumière, tous les dimanches et plusieurs fois dans la semaine ? Croyez-moi, estimons-nous heureux dans notre malheur d'avoir près d'ici la maison de madame. Je me trompe fort, ajouta-t-il en se tournant vers Mélanie, où ce sera une admirable garde-malade. J'espère amener à de meilleurs sentiments à mon égard Monsieur Bonenfant lui-même, dit Mélanie avec une sincère résignation. Sextus ne répondit pas et reprit en grommelant le chemin de la chaumière. « Quel homme ! » dit le docteur. « Tout amour ou toute haine, il vous tuerait volontiers aujourd'hui, sauf à vous adorer demain. » Un demi-sourire plissa légèrement les lèvres de Mélanie. « Allons, allons, » pensa le docteur. « Voici une âme que je ne désespère pas de guérir. »